La tour de Babel. Quand le projet d'une tour qui serait appelée la tour de Babel et qui, au terme de la délibération, devait atteindre le ciel, fut mis au concours par une municipalité en délire, presque tous les entrepreneurs du pays haussèrent les épaules et déclarèrent, à qui voulait les entendre, qu'on les croyait absolument fous, si on les supposait capables de soumissionner pour une entreprise pareille. Pourtant, il s'en trouva un, nommé Mathusalem, et arrière-petit-fils du célèbre recordman, qui, à la stupeur générale, fit des propositions. Il proposait même un chiffre raisonnable. 14 millions de chichtis, soit 5 millions de francs de notre monnaie. On parla de le faire interdire, et l'opinion générale se traduisit par ces mots « Voraim zum zum tlach, il y laissera ses culottes ». Pourtant, Mathusalem avait fait inscrire dans son contrat une petite clause qui aurait dû faire réfléchir les malins. Cette clause spécifiait qu'en cas d'interruption des travaux pour un cas de force majeure, les versements effectués resteraient acquis aux soumissionnaires. Mathusalem, d'ailleurs, se fit faire l'avance de la presque totalité des fonds. Ses fournisseurs de matériaux, disait-il, désiraient être payés comptant, étant donné l'audace particulière de l'entreprise. Cependant, la tour s'édifiait peu à peu. Les fouilles furent rapidement faites. Les spécialistes s'étonnèrent même qu'on ne mit pas plus de temps à établir les fondations d'un monument si important. Bientôt, la tour atteignit la hauteur de 4 étages qui, d'après la hauteur des plafonds de l'époque, représentait environ 8 étages de notre monnaie. On venait tous les dimanches de la ville et des villages d'alentour pour assister aux travaux. Or, ce fut un lundi matin que se produisit le grand coup de chien. D'après le contrat, c'était un architecte de la ville qui surveillait les travaux. Le lundi matin, donc, en arrivant au chantier, l'architecte avise un sous-chef de chantier et lui dit « Frishtibi kula kulaï, vodzobam brididi bébé ». Ce qui voulait dire « Il faudrait voir un peu à faire rechercher les sacs de plâtre, sans quoi je ne vois pas comment vous terminerez votre première plateforme ». Mais l'autre fit de grands yeux et répondit simplement « Balababa kilitiri ». Ce qui ne voulait rien dire du tout. En entendant ça, mon architecte avise un autre sous-chef et s'écrie « Calcadériri, boulzavei, tubalcaïn, tram tram ». Qu'est-ce qu'a donc tubalcaïn ce matin à me répondre des inepties? Il est encore sous d'hier soir, probablement. À quoi l'autre sous-chef répond en javanais « Javenave save pava ». Portier ? S'écrie d'une voix impérieuse l'architecte abasourdi. Le portier arrive en courant et dit à l'architecte « Bonjour même, l'ancien même !» Ce qui voulait dire « Bonjour monsieur !» dans le rude langage des loucharbem, ainsi que les commentateurs l'ont établi depuis. L'architecte s'en fut dardard au bureau de la ville, convoqua les autorités, et les avertit que la colère divine venait de tomber sur les constructeurs et qu'il y avait confusion des langues. Mathusalem tenait son cas de force majeure. Les travaux furent interrompus. Quant à l'architecte, il donna peu après sa démission pour aller vivre à la campagne de ses économies, que l'opinion publique jugea un peu considérable pour un individu qui n'avait jamais gagné plus de 7 002.